fraîche couleur, c'est bien elle la plus jolie. Oui, rose Marie, sembla nos yeux, une rose au parfum merveilleux. Et par son charme adorable exquis, chacun se sent aussitôt conquis. Oh, ma rose Marie, les fleurs de la prairie se penchent devant toi lorsque tu passes, comme pour s'incliner devant ta grâce. L'oiseau qui se balance vient pour toi chanter sa romance. Ici le bois prend un air de féerie, c'est pour toi, Rose Marie. Oui, par sa douceur, elle a pris mon cœur, l'amour se plaît dans son sillage. Et sa douce image que je revois paraît à chaque instant devant moi. Le lac bleu se reflète en ses yeux, le soleil se plaît en ses cheveux. Marie, les fleurs de la prairie se penchent devant toi lorsque tu passes, comme pour s'incliner devant ta grâce. L'oiseau qui se balance vient pour toi chanter sa romance. Et si le bois prend un air de féerie, c'est pour toi, Rose.